بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue dans la lecture de Kitab al-Tawhid. Qui c'est qui pourrait me citer un hadith qu'on a vu la dernière fois du chapitre suivant? Alors c'était quoi le chapitre suivant, précédent, pardon? Hein? Des allumettes? Non. C'est les amulettes. Alors, من تعلق تميمة فلا أتم الله له. Qui c'est qui m'en cite un autre? On ne met pas toujours les mêmes aussi, après c'est trop facile. Non? Même en français, non? D'accord. C'était quoi le titre du chapitre? Même en français, c'est pas grave. De toute façon, le cours est en français, donc. Hein? Ouais, mais il s'appelle pas comme ça le chapitre. Bon. Donc le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Bab Maja Afir Ruqa wa Tama'im. Le chapitre sur ce qui a été rapporté à propos des Ruqa, c'est-à-dire les incantations, et At-Tama'im, c'est-à-dire les talismans. Donc quand vous regardez la différence avec le chapitre d'avant, comment il l'a appelé? Il a dit Babun min ash-shirki lubsul hilq al-halqati wal-khayti wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'ihi. Le chapitre de la fois dernière, il ressemble à celui qu'on va faire aujourd'hui. Comment il l'a appelé? Il a dit il fait partie du shirk le fait de porter un anneau ou un fil pour enlever un malheur ou pour le repousser. Et aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui s'appelle ce qui a été rapporté sur les incantations et les talismans. Pourquoi il n'a pas dit aussi il fait partie du shirk, les incantations et les talismans, à votre avis? Pourquoi le chapitre de la dernière fois il s'appelle Mina Shirk, c'est-à-dire que ces choses-là directement elles font partie du shirk, et le chapitre d'aujourd'hui il n'a pas dit Mina Shirk, il a dit chapitre sur Ar-Ruqa, les incantations, ou At-Tama'im, les talismans? Voilà, parce que porter un fil un anneau, etc., dans tous les cas, c'est du shirk. Par contre, al-ruqa, c'est le pluriel de quel mot? Ruqya. Al-ruqya, il y a la ruqya shar'iyya. Donc la ruqya, elle est de deux sortes. Al-ruqya shar'iyya, c'est-à-dire la ruqya religieuse, celle que l'islam elle a permis, et al-ruqya shirkiyya. Al-ruqya qui est interdite, dans laquelle il y a du shirk. Donc on ne peut pas dire min ash-shirk al-ruqa. Les ruqa, c'est-à-dire le pluriel de ruqya, font partie du shirk. Si on disait comme ça, ça ne serait pas vrai. Parce que certaines ruqya font partie du shirk, mais il y en a d'autres, ce n'est pas seulement qu'elles ne font pas partie du shirk, mais même elles sont recommandées, elles sont demandées de le faire. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit al-ruqa al-shirkiyya. C'est-à-dire les ruqa, les incantations telles qu'elles étaient faites dans al-jahiliyya. Donc comment ils faisaient ruqya dans al-jahiliyya, les arabes, ils citaient des paroles dans lesquelles ils invoquaient leur divinité. Ou alors ils invoquaient l'aide des djinns. Ou alors ils invoquaient l'aide des shayatins. Et en faisant ça, eh bien, ils cherchaient à soigner les malades, à soigner le mejnoun, celui qui a un djinn en lui, ou alors à soigner l'ayn, etc., ou à soigner contre la sorcellerie, etc., etc. Donc cette sorte de ruqya, on va voir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il l'a interdit, parce qu'elle contredit l'islam. Par contre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a remplacé par d'autres sortes de ruqya. Par exemple, dans un hadith, « Su'il al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ani ruqya, faqal, man istata'a an yanfa'a akhahu, falyaf'al. » Dans un hadith, il est dit que quelqu'un il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-ruqya et il a répondu « Celui qui peut servir à son frère, qu'il le fasse. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui peut faire ruqya à son frère et il va l'aider, eh bien qu'il le fasse. Donc là, ça veut dire que c'est bien de faire al-ruqya. Il y a également l'histoire du sahabi. Quand un groupe de sahaba ils étaient en voyage, hein, elle est connue l'histoire, quand ils sont passés à côté d'un groupe de bédouins et ils leur ont demandé l'hospitalité et ils n'ont pas voulu, donc c'était des mécréants. Et le chef de la tribu, il s'est fait piquer par un scorpion. Donc ils sont venus voir ce groupe de musulmans, ils leur ont dit « Hal minkum min raqin ?» Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui sait faire al-ruqya ? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-ruqya ? Al-ruqya shirkiya, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Et un sahabi s'est avancé. Donc il est venu vers le chef de la tribu, il a récité al-fatiha, il a poustillonné sur la piqûre, et l'homme il s'est levé tout de suite. Il a guéri tout de suite par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont raconté l'histoire et il lui a dit « Wa ma adraka anna ruqya » C'est-à-dire « Comment savais-tu que la fatiha est une ruqya ?» Et il y a d'autres hadiths encore sur la ruqya. Par exemple, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « La ruqyata illa min aynin aw huma » Il n'y a de ruqya que pour le mauvais œil ou les piqûres ou les morsures venimeuses. C'est-à-dire que là où elle est la plus efficace, la ruqya, c'est quand on la fait contre l'ayn ou contre les piqûres ou les morsures des animaux qui ont du venin, comme les serpents, les scorpions, etc. Donc dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé et il a recommandé de faire al-ruqya. Et dans d'autres hadiths, il a interdit la ruqya. Donc celle qu'il a interdit, c'est la ruqya d'avant l'islam, et celle qu'il a autorisée, c'est la ruqya qui est faite à partir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, des du'as. Donc justement, c'est l'occasion pour mentionner quelle est la différence entre al-ruqya shar'iyya, al-islamiyya et al-ruqya shirkiyya. Donc al-ruqya, on répète, en français on appelle ça une incantation ou un exorcisme. Al-ruqya, c'est le fait de chercher la guérison, que ce soit contre le mauvais œil, l'ayn, que ce soit contre la sorcellerie, que ce soit contre al-junun, celui qui est atteint d'un djinn. Et même pour n'importe quelle autre maladie, on peut faire ruqya, même une maladie corporelle ou une maladie psychologique qui n'a pas de rapport avec ni le djinn, ni la sorcellerie, ni rien du tout. Donc ruqya shar'iyya, celle qui est recommandée de faire, comment on l'a fait? On l'a fait tout simplement en se tournant vers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire en plaçant son espoir en Allah Azza wa Jal, donc c'est tawakkul, et on va demander à Allah par des invocations de guérir soit sa propre personne ou soit une personne. Ou alors on va réciter des ad'iyya, c'est-à-dire des du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, comme par exemple Allahumma rabban nas adhibil bas, qu'on va voir après. Et surtout en lisant le Coran. Donc on lit par exemple sourate al-Fatiha parce que c'est une shifa. Ou alors on lit qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, ou ayat al-Kursi. Et tout le Coran, il sert pour al-ruqya. Mais les versets dont la religion elle a surtout parlé, c'est le Fatiha et al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ça c'est al-ruqya shar'iyya. Donc dans la ruqya shar'iyya, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle lit le Coran. Ou alors elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Après, certains parmi les imams des premières générations, ils utilisaient l'eau, par exemple, dans la ruqya. C'est-à-dire, ils disaient qu'il est permis de lire dans l'eau. C'est-à-dire, on lit devant l'eau, après on poustillonne dans l'eau, et après, la personne, elle boit l'eau, ou alors elle se lave avec. Il y en a même qui écrivaient, par exemple, le Coran, et après, l'encre, il la faisait se diluer dans l'eau. Et avec cette eau-là, il soignait la personne. Donc, certains parmi As-salaf al-salih, ils ont rajouté le fait d'utiliser l'eau. Maintenant, qu'est-ce que c'est al-ruqya shirkiyya? Comment on la reconnaît? Al-ruqya shirkiyya, c'est la ruqya dans laquelle la personne elle va invoquer les shayatines et elle va travailler avec les shayatines. Comment tu la reconnais, cette ruqya? Premièrement, c'est que tu comprends rien à ce qu'il raconte. Et c'est pas en arabe. C'est-à-dire que la ruqya, on l'a fait en langue arabe. Et il y a beaucoup de savants qui disent que c'est un shart, c'est une condition de la ruqya, c'est qu'il faut qu'elle soit en arabe, pour qu'on comprenne ce que la personne elle dit. Donc il va dire par exemple, Allahumma shfi fulan, et il va lire le Coran. Donc tout ça c'est de l'arabe. Par contre, le sorcier, le musha'wid, ou bien le sahir, ou bien le kahin, etc., qui va faire ruqya shirkiya, lui tu vas entendre qu'il dit des paroles et tu comprends rien à ce qu'il dit. Pourquoi tu comprends rien à ce qu'il dit? Parce que premièrement, c'est pas de l'arabe. Et en fait, il est en train d'invoquer les shayatines avec qui il est en, avec qui il travaille. C'est ses collègues. C'est ceux pour qui il travaille et eux aussi ils travaillent pour lui. Et les non-shayatines, bien sûr, tu comprends rien. Ou alors, des fois, la ruqya qu'il va faire, elle est en hébreu. Elle est dans la langue des juifs. Parce que c'est eux qui ont répandu et qui ont appris la sorcellerie aux gens. Donc, ça, c'est un premier signe, c'est que tu distingues rien, tu comprends rien à ce qu'il dit. Après, les autres signes de la ruqya shirkiya, c'est que, par exemple, il va te donner quelque chose à boire. Et le truc à boire, il sent mauvais. Et il y a une couleur bizarre. À votre avis, pourquoi il fait ça? Parce que des fois, pour travailler avec les shayatines, eh bien, il faut qu'il travaille avec les najasat, avec les choses qui sont impures. Donc il va utiliser le sang des femmes, a'azakumullah, il va utiliser l'urine, parfois sa propre urine à lui, pour faire des saletés comme ça. Et il va dire bois, ou alors il va te dire par exemple tu prends du sel, ou tu prends du fer, ou tu prends un œuf, tous des trucs qui, ça n'existe pas dans la religion. Ça il le fait, ça c'est comme ça que tu reconnais que c'est ruqya shirkiya. Ou alors il va prendre une feuille, il va écrire quelque chose dessus, après il la plie et il te dit tiens tu portes ça, ou alors tu le mets sous ton oreiller, ou alors tu le portes autour du cou. Quand tu déplies la feuille, qu'est-ce que tu vas trouver? Parfois tu vas trouver le Coran, Nishan, le Coran écrit. Le problème c'est que le Coran c'est écrit en rouge et la feuille elle sent mauvais. Comment ça se fait? Parce qu'il écrit le Coran avec le sang pour plaire à qui, à votre avis? Au shayatin. C'est comme ça que ça fonctionne, la sorcellerie. Il faut qu'il travaille avec le djinn. Mais le djinn, ils ne vont pas travailler avec lui gratuitement. Qu'est-ce qu'ils espèrent des humains, le djinn? Enfin, les shayatin surtout, parce que les djinn, il y en a dans des musulmans, il y en a des... Ils veulent le kufr. Donc si lui, il fait le kufr pour leur faire plaisir, maintenant il va travailler, ils vont travailler avec lui. Donc, il va écrire le Coran, par exemple, avec les najasat. Donc, toi, si tu ne connais pas toutes les makr, toutes les ruses de ces gens-là, quand tu lis, c'est écrit le Coran. Tu dis, mashallah, le fiqh, il m'a fait le Coran. Alors qu'en fait, il t'a arnaqué. Il t'a fait le Coran avec les najasat. Ou alors, tu vas trouver le Coran, mais dans le désordre. Par exemple, c'est écrit, Rabbil alamin, alhamdulillah. Ou alors c'est écrit Ar-Rahim, Ar-Rahman, Bismillah. Qu'est-ce que c'est ça à votre avis? Ça c'est l'istihza bil Qur'an. Il fait exprès pour se moquer du Qur'an. Mais toi, tu connais pas. Toi tu dis, bah peut-être c'est, je sais pas, peut-être c'est son savoir-faire, alors il utilise le Qur'an, etc. Ou alors souvent aussi, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver, ça je l'ai vu avec mes yeux, tu vas trouver des carrés, avec des cases. Et dans les carrés, des fois ils dessinent des étoiles, des fois il y a des trucs qui sont écrits, tu n'arrives pas bien à lire ce que c'est. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris talasim? Est-ce qu'il nous a appris à faire des carrés, à faire de la sorcellerie, etc.? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris le Coran, le dua, le tawakkul ala Allah, etc. Donc si tu vois ça, il faut t'éloigner le plus loin possible. Tu sais que ça c'est un moucha'ouif. Ou alors des fois ils font des dessins, des serpents, des scorpions, etc. etc. Ou alors des fois qu'est-ce qu'il va faire aussi, ils écrivent les croix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a interdit? Est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement avec une croix dessus? C'est interdit dans l'islam. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il dessine les croix. Ou alors qu'est-ce qu'il fait? Ça aussi je l'ai vu avec mes yeux, parce que des fois les gens ils me ramènent. Les gens quand ils apprennent l'islam, ils apprennent tawhid, ils commencent à comprendre que tout ça c'est pas bon. Donc des fois ils me ramènent des talismans, ils me disent regarde. Alors moi je l'ouvre et je vois ce qu'il y a dedans. Alors la personne qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit Allah, mais le ha à la fin de Allah elle le ferme pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un trait avec. Et ici aussi elle écrit Allah et elle fait un autre trait. Et qu'est-ce qu'ils font les deux traits? Une croix. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire ça c'est l'istihza. C'est-à-dire il se moque d'Allah. Avec le nom d'Allah, il fait une croix. Alors que le croix, c'est un symbole de quoi? Du shirk et du kufr. Donc, etc., etc., ils ont plein d'eux. C'est comme ça que tu reconnais. Tu reconnais quand ils écrivent, ou alors ils te donnent des trucs bizarres, du fer, des œufs, des trucs qui sentent mauvais, ils te disent qu'il faut le brûler dans la maison. Et aussi, surtout, tu le reconnais avec ce qu'il dit. Mais le problème, c'est qu'ils sont malins. Il ne va pas tout de suite dire gil, gil, gil, gil, gil. Il ne va pas tout de suite dire ça. Au début, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le Coran. Il va lire le Coran, il va lire le Coran. Comme ça, il te met en confiance. Toi, tu as confiance en lui. Après, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend comment il arrive à résister au Coran, parce qu'en fait, il ne supporte pas. Après, il va commencer son gil-gil. Et là, tu ne comprends plus rien à ce qu'il dit. Quand tu vois ça, il faut te sauver le plus loin possible. Et surtout, faut encore moins, il ne faut surtout pas lui donner d'argent. Donc, ce genre de personne, ça, c'est al-ruqya al-shirkiya. Est-ce que al-ruqya al-shirkiya, c'est que dans les autres communautés? C'est-à-dire, est-ce que al-ruqya al-shirkiya, c'est que chez les chrétiens, que chez les juifs, ou que chez en Afrique noire, ou que chez les bouddhistes, etc., ou les hindous? Non. Al-ruqya al-shirkiya, les gens, ils la pratiquent avec l'image de l'islam. Il a l'image de l'islam, mais sa ruqya, quand tu l'analyses, c'est une ruqya shirkiya. Et pourquoi, à votre avis? C'est quoi le but? Ben, tout simplement, c'est le flous, c'est l'argent, tout simplement. Parce que ça ramène énormément d'argent. Moi, je connais même un jeune, un ami, dont son père, il fait le sihr. Il pratique la sorcellerie. Toute la journée, il y a son urine à côté de lui. Azakumullah. Toute la journée dans la maison avec l'urine à côté de lui. Donc bien sûr, il ne fait pas salat, mais quand il est dehors, comment les gens ils l'appellent? Fqé, l'imam, tout ce que tu veux. Mais à la maison, pas de salat, le bowl, il ne se lave pas, et chez lui, il y a une ambiance bizarre, etc. Et qui c'est qui fait la queue devant chez lui tous les jours? Les femmes des musulmans. Les jeunes, les vieilles, tout le monde, tous les âges. Que ce soit de tous les pays, ils viennent et ils font la queue pour, comme ça, un tel il faut qu'il soit amoureux de moi, un tel il faut qu'il rate son bac, un tel il faut que tu la guérisses de la sorcellerie, etc., etc. Et les musulmans, ils marchent dedans. Et ceux-là, ils se font de l'argent sur le dos de l'ignorance des musulmans. Donc ça, c'est pour al-ruqya shirkiya, al-ruqya shar'iya. Le deuxième point du cours, donc j'explique tout ça avant le cours. Avant qu'on lise. Comme ça, quand on lit, ben ça y est, on a déjà compris les textes, les hadiths, on va les comprendre tout seul. Le deuxième point, c'est At-Tama'im. At-Tama'im, c'est le pluriel de quel mot? Tamima. At-Tamima, qu'est-ce que c'est? C'est des choses que les Arabes, avant l'islam, ils accrochaient à leur cou. En fait, c'est la même chose qu'on avait vu dans le cours d'avant. Al-Khayt, Al-Halqa, etc. Donc des fois il l'utilisait avec des perles, il l'accrochait aux enfants, il l'accrochait aux chameaux, pour que les enfants ou les chameaux, etc., ils ne soient pas touchés par l'aïn ou par les djinns, etc., etc. Donc il pensait la protection à partir de At-Tamima. Et ils l'ont appelé Tamima à partir de At-Tamam. C'est-à-dire là, le fait qu'une chose soit parfaite ou complète. Il se disait avec Tamima, notre affaire, elle va être, notre situation, elle va être tam. Elle va être complète, elle va être bonne. Donc ça, c'est At-Tamima. At-Tamima, quel est leur jugement dans l'islam? On l'a vu la dernière fois. C'est qu'elles font partie du shirk. Donc alors, pourquoi le shirk, il n'a pas dit Minashirk At-Tama'im? Pourquoi il n'a pas dit le titre du chapitre, comme il l'a fait pour le chapitre d'avant, il fait partie du shirk, les tama'im, les talismans? C'est parce qu'il y a une sorte de talisman sur laquelle les ulama de l'islam, ils ont divergé. Est-ce qu'elle est permise ou est-ce qu'elle n'est pas permise? Et ils sont d'accord que, déjà, elle n'est pas du shirk. Elle n'est pas du shirk, mais certains y voient qu'elle est interdite et d'autres y voient qu'elle est permise. C'est quel talisman à votre avis? C'est les talismans du Coran. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il écrit Ayatul Kursi dans un papier et il le porte dans sa poche ou autour de son cou, en espérant par ça qu'Allah Azzawajal il le protège. Quel est le jugement de ça? Sur ça, sur cette sorte de tama'im, Donc ça s'appelle aussi tama'im. Les savants, ils ont divergé. Certains parmi, même parmi les sahaba radiallahu anhum, ils pensaient ou ils disaient que c'était licite, et d'autres ils disaient que c'était illicite. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait de talisman avec le Coran. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour soigner les maladies ou bien l'aïn ou bien la sorcellerie, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Ad-du'a, les invocations, at-tawakkul 'ala Allah, le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ar-ruqya, c'est-à-dire la lecture du Coran. Donc l'avis le plus sûr, c'est de dire que ce n'est pas autorisé. Mais comme il y a une divergence, donc le shirk, il respecte cette divergence, et il ne va pas dire toutes les tama'im sont du shirk, alors que sur une sorte de tama'im, les savants ont divergé. Voilà le secret de ce titre. Donc maintenant, on va lire le chapitre. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, fi sahihi, donc dans le sahih, c'est-à-dire dans le sahih de Bukhari et de Muslim, عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Donc le premier hadith de Abu Bashir al-Ansari. Donc comme d'habitude, on va lire la biographie du sahabi. Donc il dit ici, Abu Bashir al-Ansari رضي الله عنه قال ابن سعد اسمه قيس ابن عبد الله ويقال ابن عبيد الله ابن الحريث ابن عمرو ابن الجعد الساعدي ويقال المازني من بني مازن ابن النجار. Donc les savants, comme vous le voyez ici, de l'histoire, ils ont divergé sur le nom correct de Abu Bashir al-Ansari. Donc certains, son prénom c'était Qais, et il y en a, ils ont dit Qais ibn Abdillah, et d'autres ils ont dit Qais ibn Ubaydillah. Donc de la tribu de Mazin. Wa qala ibn Abd al-Barr wa ghayruhu la yuqaf lahu 'ala ismin sahih. Donc Ibn Abd al-Barr rahimahullah disait que son vrai nom, il n'est pas connu. Shahid al-Khandaq wa Uhudan wa huwa ghulam. Donc il a participé à la bataille du fossé al-Khandaq et aussi à la bataille d'Uhud alors qu'il était petit radiyallahu anhu. Wa mata ba'da 60. Il est mort après l'an 60. Wa yuqalu innahu jawaza al-mi'a. Et il paraît, il est dit que quand il est mort, il avait plus de 100 ans radiyallahu anhu. Donc il dit Abu Bashir radiyallahu anhu, il dit qu'un jour il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Donc il n'a pas précisé lequel. Il a dit dans un de ses voyages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un rasoul. C'est quoi un rasoul? Un messager. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il déléguait quelqu'un et il l'envoyait pour transmettre un ordre ou un enseignement. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a envoyé quelqu'un pour dire aux gens « Allah yabqayanna » Donc, Allah yabqayanna, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rester fi raqabati ba'irin, au cou d'un chameau, qiladatun. Qiladatun, qu'est-ce que c'est? En français, ils traduisent par les guirlandes. C'est comme ça qu'on appelle. C'est ce qu'ils mettaient au cou des chameaux. Donc, on appelle ça qilada. Le pluriel, c'est qalaid. Donc il a dit ici, il ne doit pas rester de guirlande au cou des chameaux. Et, ou alors de guirlande min watarin. Le watar, qu'est-ce que c'est? C'est le fil d'un arc. Dans un arc, le fil qu'on tire pour tirer la flèche, on l'appelle watar. Donc en gros, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a dit aux gens d'enlever tout ce qu'ils mettaient au cou des chameaux. Pourquoi? Et aussi tout ce qu'ils mettaient au cou des chameaux qui était fait à partir des fils des arcs. C'est parce que les Arabes avant l'islam, quand ils étaient dans le shirk, quand ils allaient en guerre, ils utilisaient les arcs. Et après la guerre, quand l'arc commençait à s'user, quand le fil, la corde, elle commençait à s'user, ils l'enlevaient. Et comme ils avaient fait la guerre avec, ils pensaient que dedans il y avait quelque chose. Donc ils le mettaient au cou des chameaux en pensant que ça allait les protéger contre l'aïn. Donc en fait, ils l'utilisaient comme quoi? Comme tamima. Ils utilisaient les cordes des arcs comme une tamima pour les chameaux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on enlève tous les talismans qui étaient au cou des chameaux. Donc ça, ça nous prouve qu'il est interdit d'accrocher quelque chose en pensant que cette chose, elle va te protéger ou elle va te ramener la chance, etc. Donc le hadith suivant, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Donc ici c'est Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte que le prophète a dit صلى الله عليه وسلم إن الرقى, donc les رقى, les incantations, والتمائم et les talismans, والتولة, التولة on va l'expliquer, font partie du shirk. Donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, rahimahullah, et d'autres. En fait ce hadith, il est, à la base, il est plus long que ça. Le hadith, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, c'est elle qui raconte le hadith en fait. Et Zaynab, elle faisait partie des tabi'in. Elle n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la femme de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc elle dit qu'un jour Abdullah, il est rentré chez lui et elle avait à son cou un khayt. C'est-à-dire, elle portait un fil à son cou. Et le Abdullah ibn Mas'ud, donc le sahabi, quand il a vu ça, il lui a arraché. Il l'a enlevé du cou et il lui a dit « Antum ala abdillahi la aghniya'u anil shirk » Il lui a dit « Vous, la famille de Abdullah, c'est-à-dire ma famille, vous n'avez pas besoin du shirk. » Donc comment il a appelé ça? Il a appelé ça du shirk. Et après, elle a expliqué. Elle a dit pourquoi elle portait ça. Elle a dit كانت عيني تقذف فكنت أتخلف على فلان اليهودي فيرقى فيه فإذا رقى سكنت. Donc elle a dit, radiallahu anha, ou plutôt rahimahallah, qu'en fait elle souffrait de son œil. Et son œil, il y a du liquide qui coulait de son œil. Et elle allait voir un juif dans Médine, et ce juif, qu'est-ce qu'il faisait? Ou plutôt, ce n'est pas à Médine, puisque Abdullah ibn Mas'ud vivait en Irak, en tout cas dans la ville où ils étaient, elle allait voir un juif. Et ce juif, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait des ruqas, donc il faisait des paroles, des incantations, des prières, sur le fil. Et après, elle le portait à son cou. Et elle dit, quand il faisait ça, eh ben, mon œil, il allait mieux. Et Abdullah, radiallahu anhu, il lui a dit, هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ. Il a dit, ça vient de Shaytan. كان ينسخها بيده فإذا رقى ابتعد. Il a dit, ça c'est Shaytan qui te faisait ça à ton œil avec sa main. Et quand le juif il lit, le Shaytan, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. C'est quoi le but ici du Shaytan? Lui il s'en fiche, le Shaytan, si t'es malade ou t'es en bonne santé. Lui c'est pas ça qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est que t'ailles en enfer. Donc lui il s'en fiche si Zaynab, son œil il va bien ou il va pas bien. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle s'accroche et qu'elle fasse du shirk et qu'elle s'accroche au sorcier. Donc, quand le sorcier juif, il faisait sa ruqa, le shaitan, il arrêtait de faire du mal à son œil. Comme ça, elle croit que c'est grâce au juif et à ce qu'il fait le juif. Donc, Abdullah, ensuite, il lui a dit, « كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Donc il lui a dit à sa femme, tu aurais dû dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma rabban nas. Donc là il lui a appris une dua. Donc cette dua en fait c'est une ruqya qu'on dit quand on est malade, que ce soit son œil ou sa jambe ou ce qu'on veut. Quand on est malade, on peut dire cette ruqya pour se soigner. Donc c'est à la fois une dua et une ruqya. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma rabban nas, ou Allah le Seigneur des hommes, adhhi bil ba's, fais partir le mal, washfi, et guéris, anta shafi, c'est toi le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk, il n'y a pas de guérison à part ta guérison, shifa'an la yuradiru saqama, une guérison qui ne laisse pas de maladie. Donc regardez comment Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, par hikmah, par sa sagesse, il lui a interdit le shirk, mais il lui a remplacé par sunnah. Donc, il lui a pas juste dit ça, c'est du shirk. Mais il connaissait sunnah. C'est-à-dire, il connaissait qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la place. Donc, il lui a remplacé le shirk par une dua de tawhid, une dua de monothéisme, dans laquelle il y a l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas inventé lui-même. Et après il lui a dit, en fait entre les deux, il lui a dit, quand il lui a enlevé son khayt, son fil, il lui a dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a yaqul inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tashirk » C'est là qu'il lui a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les incantations, les talismans et tiwala font partie du shirk. » Donc ici, qu'est-ce qu'il a cité comme faisant partie du shirk? Trois choses. La première, il a dit « Ar-ruqa ». C'est le pluriel de « ruqya ». Donc pour la parenthèse, on ne dit pas « ruqya » ou « ruqya » ou « ruqya », on dit « ruqya ». C'est-à-dire « ra » avec une dhamma, le « qaf » avec une soukoun, ça fait « ruq »,« ya » avec une fatha et « at-tal marbouta ». Ruqyatun, c'est comme ça qu'on dit. Parce que les jeunes, quand ils parlent, ils font beaucoup l'erreur. Ils disent ruqya ou ruqya, etc. On dit ruqya. Et le pluriel, c'est ruqa avec une alif maqsoura. Donc, il a dit ruqa fait partie du shirk. Donc là, maintenant que je vous ai tout expliqué au début, de quel ruqa il parle ici? Shirkiya. Ça ne veut pas dire toutes les ruqa, puisque la preuve, c'est que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à dire Allahumma rabban nas adhi bil bas, et ça c'est une ruqya. La deuxième qu'il a citée, wa tama'im. At-tama'im. Donc at-tama'im, c'est les talismans. Donc c'est toute chose qu'on porte à son cou ou dans sa poche ou à son véhicule ou dans sa maison en pensant que ça nous protège ou que ça nous porte bonheur, etc. Et la troisième, il a dit wa tiwala. Qu'est-ce que c'est at-tiwala? At-tiwala, c'est une sorte de sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mais c'est une sorte. En fait, tiwala, ça s'appelle également al-atf. On appelle ça al-sarf ou al-atf. Al-sarf, qu'est-ce que ça veut dire? Al-sarf ou al-atf. Al-sarf, c'est la sorcellerie qu'on fait pour diviser un couple. Yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Et al-atf, c'est quand la femme, elle fait de la sorcellerie à son mari pour qu'au contraire, il soit collé. Et devant elle, il est comme ça. Il ne peut plus rien faire. Comme un âne. Donc, Tiwala, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là. Tiwala, c'est la sorcellerie qu'elle fait, que les gens y font, pour que l'homme, il aime sa femme. Ou pour que la femme, elle aime l'homme. À un point où il ne peut plus se séparer de lui. Quand elle lui dit lève-toi, il se lève. Quand elle lui dit assieds-toi, il s'assoit. Ça, on appelle ça Tiwala. Donc, ça fait partie du shirk. Tout simplement parce que la sorcellerie, ça fait partie du shirk. Mais on n'explique pas maintenant, on réexpliquera ça sur le chapitre du shirk. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا مرفوعا ça veut dire عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Le hadith suivant de Abdullah ibn Ukaym. Donc ici on va lire qui c'est Abdullah ibn Ukaym. Ukaym, il dit ويكن أبا معبد الجهني الكوفي. Donc le surnom, la kunya de Abdullah ibn Ukaym, c'est Abu Ma'bad. Il faisait partie de Juhayna, la tribu de Juhayna, Al-Kufi, Mukhadram. Qu'est-ce que ça veut dire Mukhadram? Vous ne connaissez pas, non? Voilà, Al-Mukhadram, c'est celui qui s'est converti pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas rencontré. Donc ce n'est pas un sahabi, parce qu'il ne l'a pas vu, mais ce n'est pas non plus un tabi'i. Parce que lui, il connaissait déjà les sahaba, par exemple, il pouvait connaître des gens qui se sont convertis, qui ont connu le prophète déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-mukhadram huwa man adraka al-jahiliya ala al-islam wa lam yudrik rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le mukhadram le plus connu? Négus, al-Najashi, le Malik al-Habasha, le roi de l'Habasha, c'était un mukhadram parce qu'il s'est converti à l'islam pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas vu le prophète, donc c'est pas un sahabi. Donc ça, on appelle ça un mukhadram. Abdullah ibn Ukaym qui a rapporté ce hadith, c'est un mukhadram. قال البخاري وغيره أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف سماع صحيح. Donc l'imam al-Bukhari disait que Abdullah ibn Ukaym a connu la période du prophète, c'est-à-dire il s'est converti à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, mais rien ne dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ذكر أنه جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل وفاته بشهر. Dans un hadith qui parle de justement du sujet qu'on a fait vendredi passé dans le fiqh, dans un hadith qui parle des peaux, le fait de tanner les peaux, Abdullah ibn Ukaym il a rapporté un hadith où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une lettre à Juhayna, c'est-à-dire à sa tribu, un mois avant sa mort. Donc ça, lui il n'a pas connu le prophète, mais il a lu et il a connu cette lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدينة في حياة حذيفة وكان ثقة. Donc il habitait dans la ville de Al-Kufa en Irak et il est venu à Médine plus tard et c'était un thiqa, c'est-à-dire il fait partie des rapporteurs de hadith qui sont acceptés. Donc lui il a rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, c'est-à-dire celui qui s'accroche quelque chose sera délaissé à cette chose. Donc comme on dit en arabe al-jaza'u min jinsil amal, tu es récompensé selon ce que tu as fait. Allah Azza wa Jal, si tu te tournes vers lui, si tu l'invoques, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, celui qui place sa confiance en Allah, Allah il va pas le laisser. Allah il lui suffira dans ses affaires. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, Allah a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Donc celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tourné vers celui qui peut le secourir. Mais celui qui se tourne vers une tamima, donc qui porte quelque chose sous son oreiller, dans sa poche, ou à sa voiture, etc., eh bien Allah il va le laisser avec cette chose. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le délaisser. Tu as cherché la protection de cette chose, eh bien Allah il va te laisser avec cette chose. Est-ce que cette chose réellement, elle peut protéger la personne? Non. C'est-à-dire que la personne, elle sera délaissée et elle sera sans protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'elle s'est tournée vers la chose, donc c'est la justice d'Allah azza wa jal. C'est comme dans, on avait vu ça dans Al-Riya, dans l'ostentation. Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il dira au jour du jugement? Allez chercher votre récompense auprès de ceux dont vous cherchiez les éloges. C'est-à-dire celui qui prie ou qui donne la zakat ou qui fait ramadan pour plaire à quelqu'un, au jour du jugement, Allah il lui dira, ben, va chercher ta récompense chez lui. Ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as cherché ses éloges, eh ben, au jour du jugement, tu n'auras pas de récompense d'Allah. Et là c'est la même chose. Donc ça existe par exemple à notre époque. Bon, bien sûr il y a plein d'exemples. Mais un exemple que les gens y font, je ne sais pas si tout le monde il fait dans ce sens-là, mais je suis persuadé qu'il y en a, c'est dans ce sens-là. C'est que les gens ils mettent un chapelet à leur voiture. Et certains, ils croient que le chapelet, ça va le protéger. Donc déjà, ça c'est une tamima. Donc, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la tamima c'est du shirk. Alors tu dois plutôt placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en une sabha, c'est-à-dire un chapelet. Et en plus, dedans, il y a de la ressemblance à qui? D'où ça vient les chapelets dans l'islam? Ça vient de l'Asie, ça vient des bouddhistes, ça vient des hindous. C'est eux qui aiment bien toujours avoir des chapelets, manipuler des chapelets, et ils croient dans leurs chapelets. Donc en vérité, malheureusement, certains musulmans, ils les ont imités dans ce genre de croyances et dans ce genre de pratiques. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il a dit à la fin du chapitre, il a dit « At-tama'imu shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ayn ». Donc il a dit, les tama'im, c'est quelque chose qu'on accroche aux enfants pour les protéger contre le mauvais œil. Est-ce que c'est que ça, les talismans? En fait, ici, il a juste donné un exemple, le cheikh. Après avoir cité les hadiths, il a expliqué ce que c'est al-tama'im. Ensuite, il a dit, « Lakin, idha kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du s-salaf, wa ba'duhum lam yurakhis fihi, wa yaj'aluhu min al-manhi anhu, minhum ibn Mas'udin, radiallahu anhu. » Et il a dit ensuite, « Et al-tama'im, si ce sont des talismans du Coran, donc c'est ce qu'on a dit au début du cours, certains salafs, quand on dit les salafs, c'est-à-dire sahaba radiallahu anhum, ils considéraient que c'était permis et d'autres l'ont interdit, comme Abdullah ibn Mas'ud. Et al-haq, wallahu a'lam, c'est que c'est interdit. Pourquoi? On va citer plusieurs raisons. C'est-à-dire, on a certains parmi les anciens de cette communauté qui disaient qu'on peut avoir une tamima si c'est du Coran et d'autres qui disaient que c'est interdit. Maintenant, jugeons entre les deux. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Quand on diverge dans une question dans la religion, il faut revenir à Allah, c'est-à-dire Kitabullah et Ar-Rasul, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si certains sahaba, ils ont permis les talismans du Coran et d'autres ils l'ont interdit, on va revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait oublié de nous montrer quelque chose? C'est sûr que non. Il a transmis tout son message. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « At-tama'im shirk ». Il nous a dit que les tama'im, c'était du shirk. Donc si les tama'im du Coran étaient permises, ça veut dire qu'il manquait quelque chose dans sa phrase. Il aurait dû dire « Illa at-tama'im min al-Qur'an ». Ou alors il aurait dû le montrer à une autre occasion. Dans une autre occasion, il nous aurait dit que les talismans du Coran, ce n'est pas compris dans l'interdiction. C'est une exception. Est-ce qu'on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un talisman avec le Coran? Zéro hadith. C'est-à-dire que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe pas. Maintenant, deuxième chose. Comme on l'a dit, les textes, ils sont am. C'est général. Il a dit at-tama'im sans faire d'exception. Donc les talismans du Coran, ils sont compris dedans, dans le texte, dans les hadiths. Une autre chose, c'est que si on permet aux gens de porter des talismans du Coran, on dit yufdi ila ihanati al-Qur'an. Ça va amener les gens à négliger et à rabaisser le Coran. Pourquoi? Parce que par exemple, il va rentrer avec aux toilettes. Ou alors il va le faire tomber dans les toilettes. Etc. Ou alors, comme beaucoup de jeunes y font, des fois ils ont des talismans du Coran, et il est là en train de fumer avec ses copains, avec la musique à fond, peut-être avec des filles, avec la télé, etc. Alors qu'il y a le Coran autour de son cou. Ça, c'est le respect du Coran. Donc le fait de dire aux gens qu'ils ont le droit de mettre ça, ça mène à baisser la valeur du Coran, à manquer de respect envers le Coran. Et une autre chose aussi, admettons qu'on dit que c'est permis. Donc, on va dire aux musulmans, tu peux porter les talismans du Coran. Donc toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est connu pour aller à la mosquée, pour apprendre la religion, et les gens, ils vont te voir, autour de ton cou, tu as un talisman. Mais les gens, ils ne savent pas si ton talisman, c'est du Coran ou si c'est guir-guir du Moucha'ouiz, le Khurafat, etc. Les gens, ils ne savent pas. Donc, en te voyant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, donc j'ai le droit de faire le kitab. Et après, ils vont aller chez le Moucha'ouiz faire les talismans. Parce que ça va tromper les gens. Il y a une sorte de tashabbou, c'est-à-dire une sorte de ressemblance avec les talismans du shirk. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est d'éviter. Et de toute façon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré tout ce dont on avait besoin quand on a un problème avec l'aïn, ou avec le djinn, ou avec le sihr, c'est le tawhid. C'est-à-dire avoir confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, le dua, demander à Allah Azza wa Jal la guérison et al-ruqya et le Coran. Ensuite il dit وَالرُّقَى هِيَ الَّتِي تُسَمَّ الْعَزَائِمُ وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ مَا خَلَى مِنَ الشِّرْكِ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَى. Donc ici il a dit al-ruqya, ça s'appelle aussi al-azaim. On peut appeler ça aussi al-azima et au pluriel al-azaim. Et il dit mais les preuves al-dalil, c'est-à-dire les hadiths, ont montré que les ruqa dans laquelle il n'y a pas de shirk sont permises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la ruqa contre le mauvais œil et les piqûres venimeuses. Ça, c'est qu'un exemple. On sait que les ruqa sont permises aussi pour d'autres choses. Ensuite, il a dit وَالتِّوَالَةُ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ. Et il a dit التِّوَالَة, c'est quelque chose que les gens y font en pensant que ça va faire que l'homme aime sa femme ou que la femme aime son homme. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دبة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Donc un autre hadith encore, le chapitre il n'est pas fini. C'est un hadith rapporté par un sahabi qui s'appelait Ruwayfi'a. Donc Ruwayfi'a ici, il a dit Ruwayfi'a ibn Thabit, ibn Sakan, ibn Adi ibn al-Harith, min bani Malik ibn al-Najjar al-Ansari. Donc Ruwayfi'a, il faisait partie des Ansars. Lahu thamaniyatu ahadith. Il y a 8 hadiths qui existent de lui dans les livres rapportés par ce sahabi. Nazal al-Basra wa wuliya bi Tarablis. Donc il habitait dans la ville de Basra et il a été nommé pendant un moment de sa vie comme gouverneur de je ne sais plus exactement comment Tarablis on dit Tarablus. C'est une ville, c'est où? C'est en Syrie. Non, c'est en Syrie. Ouais, c'est en Syrie. Ouais. En fait, Tarablus ici, quand on lit ça, c'est en Syrie. Parce qu'il y a plusieurs villes qui s'appellent comme ça dans le monde arabe. Mais celle-là, c'était à l'époque des Sahaba, radiallahu anhum, c'est celle qui était au Shem, c'est-à-dire en Syrie. Faftataha Ifriqiyata Sanata Sab'in wa Arba'in. Et c'est lui qui a commencé les conquêtes de Ifriqiya en l'an 47. C'est quoi qu'on appelle Ifriqiya? Voilà, en fait, c'est l'équivalent maintenant du Maghreb. C'est-à-dire, maintenant, quand on dit l'Afrique, on parle de du continent africain. Mais chez les Arabes, Ifriqiya, en fait, ça désigne de l'Égypte jusqu'au Maroc, avec la Mauritanie, c'est-à-dire au-dessus du désert. Tout ça, tout le nord de l'Afrique, ils appelaient ça Ifriqiya. De l'Égypte jusqu'au Maroc, ils appelaient ça Ifriqiya. D'où il vient le mot Ifriqiya? Bon, ça, c'est comme ça pour la parenthèse, pour détendre l'atmosphère. Ifriqiya, ils disent, c'était le nom, en fait, d'un roi du Yémen. Un roi dans l'Antiquité au Yémen, et c'est lui qui a, à l'époque, il a conquis toute cette. C'était un roi arabe du Yémen, de Himyar, et il a conquis toute cette région. Donc elle a porté son nom Ifriqiya. Wallahu a'lam. Ça, c'est ce qu'on lit dans l'histoire. Tufiya Sanata Sittin wa Khamsin. Il est mort en 56. Radiallahu anhu. Donc Ruwayfi', il dit que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Oh Ruwayfi', peut-être que tu vas vivre longtemps. » Et effectivement, comme on a vu, Ruwayfi', il est mort en 56. Donc 56, c'est tardif par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart, beaucoup de compagnons, ils mouraient bien avant, dans les guerres, etc. Mais lui, il a vécu longtemps. Donc il lui a dit: « Peut-être que tu vivras longtemps. Alors, informe les gens. » Donc il lui a dit trois choses. Que celui qui fait un nœud à sa barbe, ou celui qui s'accroche la corde d'un arc, ou qui se nettoie avec les excréments d'une bête ou avec un os, Mohammed est innocent de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, Mohammed est innocent de lui? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désapprouve et se désavoue de son acte. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Donc ici, il a cité trois choses. La première, donc trois choses qui sont interdites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdites. La première, il a dit, « Man aqada lihyatahu », celui qui fait un nœud à sa barbe. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est parce que les gens de la jahiliya, quand ils faisaient la guerre, ils faisaient des nœuds, ils faisaient des tresses dans leur barbe. Et pour eux, c'était un signe d'orgueil, « takabbur ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux musulmans de faire ça. Donc c'est lui qui nous a dit « U'ful liha »,« Waffirul liha », etc. Mais en même temps, il a interdit de faire un nœud à la barbe, pour ne pas ressembler aux gens de la jahiliya. Et d'autres savants ont dit, ça c'est ceux qui cherchent à rendre leur barbe lisse. Mais le plus proche du texte, c'est qu'en fait c'était l'habitude des gens de la jahiliya, donc il ne faut pas leur ressembler dans ça. La deuxième, il a dit « Aw taqallada wa taran ». Taqallada, c'est-à-dire qui va, comme on l'a vu au début, qui va mettre au cou de son chameau un watar, c'est-à-dire la corde d'un arc, ou alors celui qui se nettoie, istanja. Istanja, c'est-à-dire qui se nettoie quand il a été aux toilettes, biraji'i dabbatin. C'est quoi raji'i dabba? C'est les excréments des bêtes, c'est-à-dire les crottins, comme on dit en français. Ou avec un os, Mohammed est innocent de lui. Donc c'est-à-dire, il a interdit qu'une personne elle se nettoie avec un crottin ou avec un os. Et il a expliqué dans d'autres hadiths pourquoi. Parce que l'os, les djinns, ils trouvent de la nourriture, et les crottins, voilà, les bêtes des djinns, les bêtes sur lesquelles ils montent, ils trouvent aussi de la nourriture. Donc par respect pour les djinns, pour leur maslaha, il a interdit de se nettoyer avec ces choses-là. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. Ici, il rapporte une parole de Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, on avait déjà vu sa biographie, c'était un des élèves de qui ? Abdullah ibn Abbas, donc c'était un des tabi'in de Mecca. Il a dit, celui qui coupe le talisman du cou de quelqu'un, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. En fait, ici, il a fait une image. Il a dit, quand quelqu'un il a un talisman à son cou et tu lui enlèves, c'est comme un esclave. Comment les esclaves ils étaient transportés avant? Certains d'entre eux, ils avaient ce qu'on appelle des carcans. Ils avaient des chaînes à leur cou. Donc lui, il t'a dit ici que si tu enlèves le talisman du cou de quelqu'un, c'est comme si tu enlevais le carcan du cou d'un esclave. Pourquoi? Parce que l'esclave, il est attaché, il n'est pas un être humain complet dans sa situation. Il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre, il ne peut pas aller où il veut. Il est attaché à son maître. Il est obligé de lui obéir. Et celui qui porte un talisman, eh ben, il est attaché à son talisman. Il est soumis et son cœur il est attaché à quelque chose de nul, quelque chose qui ne sert à rien, à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala comme lui, et même inférieur à lui. Parce que lui, il a un cerveau, il a des yeux, il a des oreilles, alors que ça, c'est qu'un bout de tissu, ou un fil, ou un bracelet, etc. Donc il y a une sorte de dent d'esclavage. Mais ce n'est pas un esclavage corporel, c'est un esclavage spirituel. C'est ton cœur, il devient esclave, au lieu d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et attaché à Allah, ben il est attaché à quelque chose qui lui sert à rien. Il dit rawahu Waqi' wa lahu an Ibrahim kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an. Ensuite, il a cité une parole de Ibrahim. C'est qui Ibrahim ici? Quand les savants dans le fiqh ou dans le hadith ils disent Ibrahim, c'est qui? Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai, c'était un tabi'i de l'Irak. Et il faisait partie de la petite génération des tabi'i. C'est-à-dire que ce n'est pas un tabi'i qui a rencontré Omar. Il a rencontré juste Anas ibn Malik et peut-être d'autres. Mais il a rencontré que quelques compagnons qui ont vécu longtemps. Donc il est quand même compté parmi les tabi'i. Donc il disait, il détestait, donc il au pluriel, il détestait les talismans tout entiers, c'est-à-dire tous les talismans. Qu'il soit du Coran ou d'autres du Coran. De qui il parle ici? Quand il dit il, si on ne sait pas de qui il parle, la phrase elle ne nous sert à rien en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre vraiment. Donc lui c'est un tabi'i. On pourrait penser qu'il parle de qui? Des sahaba. Mais en fait ce n'est pas le cas. Les savants ils disent que Ibrahim al-Nakhai, quand il dit il parle des grands élèves de qui? Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Comme Al-Aswad et d'autres parmi les élèves d'eux, dont eux c'était min kibar al-tabi'in. Al-Aswad et les autres élèves de Abdullah ibn ou Al-Qama, les élèves de Abdullah ibn Mas'ud, ça c'était parmi les grands tabi'in, c'est-à-dire les tabi'in entre guillemets vieux. Et lui il a appris avec eux, il n'a pas appris avec Ibn Mas'ud. Donc quand il rapporte des paroles, en fait il parle des élèves d'Ibn Mas'ud. Donc sa parole elle fait que confirmer ce que le cheikh il a dit tout à l'heure, que Abdullah ibn Mas'ud, lui, il interdisait tous les talismans, même les talismans du Coran. Il y a également quelque chose que je voulais vous raconter pour, par rapport au Mouchaouidin et tout ça. C'est parce qu'on citait les signes pour les reconnaître. Donc, exemple aussi, une personne, elle va chez un soi-disant exorciste ou guérisseur, ou appelez ça comme vous voulez, à Dunkerque, et la personne, donc elle dit à la femme, c'est la femme qui était malade, elle lui dit, mets-toi en face de moi, tête à tête. Donc déjà, islamiquement parlant, c'est pas trop ça, de se mettre tête à tête avec une femme. Donc il lui dit, rapproche ton visage, tu caches un œil, et tu regardes dans mon œil. Et au moment où elle fait ça, parce qu'elle l'a fait, elle aurait jamais dû, mais bon, des fois les gens dans le désespoir ils savent plus ce qu'ils font. Donc elle a fait ça, et au moment où elle a fait ça, lui il a dit quelque chose, mais on pouvait pas entendre ce que c'était. C'est-à-dire, le frère qui m'a raconté l'histoire, il dit je peux pas entendre, déjà c'est pas clair ce qu'il dit, et il a dit très vite. Et quand il a fait ça, sa femme elle a vu en lui plein de choses dans son œil. Elle a vu des flammes, elle a vu des comme une tête de shaitan, etc., etc. Et après, pendant une heure, il a lu le Coran. Donc, c'est-à-dire, si on enlève la première minute, la ruqya, elle est bien. C'est que le Coran. Mais en vérité, la première minute, elle te montre que c'est un mouchaouiz. Parce qu'il n'y a pas dans le din de tu me fais ça, je te regarde en face, tu vois des flammes, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est parce que c'est lui-même, c'est un charlatan. Et après, la personne, elle lui a dit. Elle lui a dit, c'est quoi que tu as dit là? C'est quoi cette parole? Il lui a dit, c'est un secret qu'on se transmet de père en fils. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire, traduction? Ça veut dire que c'est du pipeau, tout simplement. Ça, c'est du pipeau pour dire, pour t'impressionner, pour cacher qu'en fait, il fait du cirque. Peut-être c'est vrai, il l'hérite, parce qu'effectivement, les sorciers, ça s'hérite, leur savoir-faire, entre guillemets, ils se l'héritent de père en fils. Donc peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas une ruqya shar'iyya, ce n'est pas permis dans l'islam. Donc il reste un quart d'heure, on va entamer le sujet suivant. Qala rahimahullah ta'ala, babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwihima. Donc là il dit le chapitre sur celui qui cherche la baraka. Comment il a dit? Il a dit man tabarraka. Donc le verbe tabarraka, ça veut dire chercher la baraka. Qu'est-ce que c'est la baraka? Mais tout simplement, la baraka, c'est le khayr. Dawamul khayr, wa ziyadatul khayr. C'est ça le baraka. Le baraka, qu'est-ce que c'est? C'est le bien. Le fait que le bien, il persiste, il reste dans quelque chose, et il augmente. C'est ça qu'on appelle tout simplement la baraka. Généralement, les gens, quand tu leur dis baraka, ils comprennent ce que ça veut dire la baraka. La baraka, en gros, c'est le bien, la bénédiction. Donc il dit chapitre sur celui qui cherche la baraka à partir d'un arbre ou d'une pierre ou autre chose. Donc là, il va nous montrer qu'il est interdit dans l'islam de faire ce qu'on appelle at-tabarruk avec les objets, quels qu'ils soient. At-tabarruk, comment les gens y font? Par exemple, ils ont un arbre, ou ils ont une pierre, ou ils ont un mausolée, ou alors un mur, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à côté, en disant que l'objet, il va leur donner de la baraka. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le touchent. Il le touche, après il se touche le visage par exemple. Ou alors il se frotte dessus, etc., etc. En pensant que l'objet il leur donne la baraka. Or la baraka, c'est qui la détient? Un neuf ou ad-dar, le bien et le mal, c'est qui le détient? C'est Allah Azza wa Jal seul. Donc celui qui veut la baraka, dans quoi il doit le chercher? Dans l'amal. L'islam, il t'a pas accroché à un objet. Et que cet objet, il va te porter bonheur, il va te porter malheur. L'islam, il t'a dit, il faut travailler. Comme tu travailles dans le dunya, eh bien, il faut aussi travailler dans le din. La baraka, elle est dans la salat. Elle est dans le siyam. Elle est dans la lecture du Coran. Elle est dans talabul ayn. Elle est dans birrul walidayn, le fait de faire du bien à ses parents. Dans silatul arham, le fait d'entretenir les liens de parenté. L'ihsan ila al-jab, faire du bien à ça, c'est la baraka. Mais c'est quel genre de baraka? C'est la baraka de que ton iman il va augmenter. Ta foi elle va augmenter. Allah Azza wa Jal il va être avec toi, il va te protéger, il va te guider. Et surtout dans l'au-delà, eh bien tu seras sauvé. C'est ça la baraka qu'on doit rechercher. C'est pas la baraka comme al-jahiliya, comme ils font les polythéistes, les païens, dans un objet. Ça, ce genre de baraka, ça n'existe pas. Sauf dans ce que la religion elle a montré. Et dans quoi la baraka elle existait? Dans quoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose qui était sur terre dans lequel Allah il avait mis une baraka qu'on pouvait prendre en le touchant? C'est qui? C'est quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'était permis. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son corps, dans ses cheveux, dans sa salive, il y avait de la baraka. Dans sa sueur, il y avait de la baraka. C'est Allah azza wa jalla qui l'a fait comme ça. Et les sahaba, radiallahu anhum, ils cherchaient la baraka dans ça. S'ils pouvaient récupérer un cheveu ou un poil de la barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils le faisaient. Comme Ummu Salama, radiallahu anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un poil de la barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle le mettait dans un verre en argent. Quand quelqu'un il était malade, elle prenait de l'eau, elle le versait sur le cheveu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, est-ce qu'elle donnait directement à boire? Question piège. Non, parce qu'on ne peut pas boire dans un verre en argent. C'est haram de boire dans un verre en argent. Elle reversait l'eau dans un verre et elle lui donnait. Et quand la personne elle buvait, elle guérissait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une baraka dans ce qu'on appelle les ajza, c'est-à-dire le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, ou même quand il crachait, qu'est-ce qu'il faisait les sahaba radiallahu anhum? Ils cherchaient à récupérer sa salive ou à récupérer le reste de l'wudu, c'est-à-dire de l'eau avec laquelle il a fait le wudu. Certaines femmes parmi les sahaba, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait chez elles, il avait été invité ou quelque chose, il transpirait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle prenait la couche et elle essayait d'en ressortir la sueur. Donc ça oui, ça c'est permis. Mais nous on vit plus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était permis pour les sahaba radiallahu anhum. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est salih, un homme, un rajul salih, un homme pieux, est-ce qu'on va dire on va prendre sa barbe, on va prendre sa salive, etc.? Non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est laquelle? C'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme salat, comme taqwa, comme ce que tu veux, jamais il sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça reste un salih, mais ce n'est pas un prophète. Et ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la baraka elle est vraie pour le prophète, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour salihin, parce que salihin c'est des hommes. Alors que le prophète c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas faire al-qiyas, on ne peut pas comparer les deux. Et deuxième chose, c'est qui le meilleur homme de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr. Est-ce que Omar, est-ce que Abu Huraira, est-ce que Abdullah ibn Mas'ud, est-ce que Mu'adh, est-ce que Jabir, est-ce qu'ils cherchaient les poils d'Abu Bakr? Est-ce qu'ils cherchaient la salive d'Abu Bakr? Est-ce que quand Abu Bakr il est mort, il faisait comme ça sur sa tombe? Pourtant, s'il y en a un avec qui il aurait fallu le faire, c'était qui? À part le prophète, c'était Abu Bakr. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Quand le meilleur homme, quand Abu Bakr il est mort, c'était Omar. Est-ce que les autres sahaba, ils ont cherché, ou les tabi'in, ils ont cherché à faire ça avec Omar? Est-ce qu'ils ont cherché ses cheveux? Est-ce qu'ils ont cherché ses vêtements? Ça, c'est arrivé après chez les musulmans. Parce que quand l'islam il s'est répandu, quand l'islam il est rentré chez les Perses, il est rentré fil Hind, en Inde, il est rentré vers Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan, il est rentré vers l'Afghanistan, le Sindh, c'est le début de l'Inde, il est rentré chez les Berbères, il est rentré chez les chrétiens, il est rentré un peu dans le Habasha. Ces gens-là, est-ce qu'ils croyaient en rien avant? Non, ils avaient des pratiques. Ils avaient des croyances et des pratiques. Eh bien, l'islam, quand il s'est répandu, les musulmans qui se convertissaient, eh bien, ils étaient encore influencés par leurs anciennes pratiques. Donc, c'est de là que tout ça s'est venu. C'est venu des autres civilisations. Comme le fait de chercher la baraka dans des tombes, dans des objets. En vérité, tout ça, c'est dakhil. Ça, c'est étranger à l'islam. Ça, c'est venu bien après. Sinon, comme on l'a dit, et même l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait que celui qui touche le mimbar du prophète, pourtant c'est le mimbar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui le touche pour la baraka, c'est une bid'a. Ça, c'est qui? C'est pas Abbas ou Ahmed, c'est l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a refusé de prendre la science d'un tabi'i qui s'appelait Atta, parce qu'un jour il a vu faire ça au mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il existait encore à son époque. Quand il l'a vu faire ça, il a dit je prends plus l'ilm de lui, et il a plus appris auprès de lui. Ça c'est qui? C'est Malik, rahimahullah ta'ala. Donc ils sont où les gens maintenant de Malik? Où est-ce qu'on est vraiment de ce qu'il disait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala? C'est ça qu'il disait l'imam Malik. Il disait, il interdisait tabarruk avec le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce que c'est sur la tombe de Foulen ou Foulen? Donc c'est ça le but de ce chapitre, c'est pour montrer que tout ça, ça fait partie des choses de la jahiliya. Donc ça c'est juste l'explication. Donc la fois prochaine on va lire les ayats et les ahadiths qui parlent de ça. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.